Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 39. Du schisme. Nature du schisme. Sa gravité comparée à l'infidélité. Si les schismatiques ont des pouvoirs. Quelques mots sur l'excommunication. 1. Le schisme est-il un péché spécial? La charité unit non seulement une personne à une autre par le lien spirituel de l'amour, mais encore toute l'Église dans un même esprit. L'unité qu'elle produit au sein de l'Église est la principale de toutes les unités. L'union des fidèles s'y rapporte, comme la connexion de nos membres se rapporte à l'unité de notre corps. Y porter atteinte par cette scission que l'on nomme schisme, c'est évidemment un péché spécial. Mais comme l'unité de l'Église se compose tout à la fois de la connexion de ses membres entre eux et de leur union avec un seul et même chef, qui est Jésus-Christ, représenté par le souverain pontife, on appelle proprement schismatiques les hommes qui, refusant de se soumettre au souverain pontife, ne veulent point rester unis avec les membres de l'Église soumis à sa juridiction. Par conséquent, se séparer volontairement, avec intention, de l'unité de l'Église, et spécialement du pape, voilà le péché du schismatique, péché spécial que condamnait l'apôtre par ses paroles, vainement enflé de sa prudence charnelle. Il ne demeure pas uni au chef, dont le corps entier reçoit l'influence par les vaisseaux qui enjoignent et qui en relient toutes les parties. Colossiens 2, 18 et 19. Note. L'hérésie est directement opposée à la foi, le schisme, à l'unité de l'Église. Il n'y a pas de schisme, du reste, qui n'aboutisse à l'hérésie. Fin de la note. 2. Le schisme est-il un péché plus grave que l'infidélité? L'infidélité est un péché contre Dieu. Considéré comme la vérité première, le schisme est seulement opposé à l'unité de l'Église, qui est un bien particulier et moindre que Dieu lui-même. Il s'ensuit que l'infidélité est, dans son genre, un péché plus grave que le schisme. Il peut arriver cependant que le schismatique pêche plus grièvement que l'infidèle, soit à cause d'un plus grand mépris, soit par les suites de son péché, soit pour d'autres motifs. Note. L'infidélité, dans cet article, désigne principalement l'hérésie. Le schisme, qui est contraire au bien spirituel de la société, ne le cède en gravité à aucun des péchés contre le prochain. Fin de la note. 3. Les schismatiques ont-ils quelque pouvoir? Il y a un double pouvoir spirituel, un pouvoir sacramentel et un pouvoir de juridiction. Le pouvoir sacramentel demeure, quant à son essence, dans l'homme qu'il a reçu par la consécration, alors même que cet homme devient schismatique ou hérétique, car toutes les consécrations faites par l'Église sont permanentes. Mais la puissance inférieure ne devant se porter à l'action que sous la motion de la puissance supérieure, le schisme et l'hérésie font perdre l'usage légitime de ce pouvoir. Les schismatiques et les hérétiques ne peuvent pas s'en servir licitement, quoique, exercés illicitement, ils produisent son effet dans les sacrements, où l'homme n'agit que comme instrument de la divinité. Le pouvoir de juridiction, qui est conféré par la simple volonté de l'homme, n'est point immuable, il ne survit ni au schisme, ni à l'hérésie. Les schismatiques et les hérétiques ne peuvent ni absoudre, ni excommunier, ni accorder aucune indulgence. Dans ces principes, lorsque l'on dit que les schismatiques et les hérétiques n'ont pas de pouvoir spirituel, on doit comprendre qu'ils n'ont pas le pouvoir de juridiction, et, Si on veut parler du pouvoir sacramentel, il faut entendre seulement qu'ils n'en ont pas l'exercice légitime. 4. Est-il convenable de punir les schismatiques par l'excommunication? Un homme doit être puni, dit la sagesse, 11-17, par où il a péché. Le schismatique se sépare de la communion des membres de l'Église, et, sous ce rapport, il convient de l'excommunier. Pour le punir, il est écrit « Éloignez-vous de la tente des impies, et gardez-vous de toucher à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne soyez enveloppés dans leur péché. » Nombre 16-26. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.